Coucou, bonjour, bonsoir. Nous sommes ensemble pour la 738e fois dans ce rendez-vous avec vous que je vous donne le mercredi, le dimanche et le lundi. 738 fois pendant près de 2 heures. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et nous sommes encore là. Et nous allons encore dans cette émission passer, je l'espère, je le souhaite en tout cas, un moment agréable. L'indicatif, Momenti Vienesi di Lucio Pavani, va laisser la place à un accordéoniste alsacien que l'on écoute tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça s'arrête comme ça commence, hein. Ça s'arrête comme ça commence. Un véritable galop. Mais ce galop-là, nous allons l'abandonner, bien sûr, pour un petit passo. Un passo pas comme les autres. Voilà, quand je disais que c'était un passo pas comme les autres, non, c'était pas un passo comme les autres, puisque c'était un passo royal. Et oui, madame, un passo royal, rien que ça, pour vous plaire. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes là, et nous allons continuer avec, peut-être bien, avec ceci. We'll be right back. ce magistral retour des hirondelles nous a été interprété, offert, dirais-je même, par Alexandra Paris. Eh oui, une dame de l'accordéon aussi. Est-ce que je vous ai déjà dit que je vous aime ? Ah oui, déjà ? Eh bien, je continue à vous le dire en chanson. Parce qu'un jour, un gamin de Paris la sifflette à midi, en retrouvant Mimi, que Mimi a reparti la chanter à son tour, en traversant la cour, à son tour, et voilà. Une chanson, c'est peu de choses, mais quand ça se pose, au creux d'une oreille, Parce qu'un soir, quand s'installa l'amour, au cœur d'un troubadour, il perdit le sommeil. Doucement, tout doucement, quand revint le soleil, c'est un refrain de plus qui avait vu le jour. Une chanson, c'est peu de choses, mais quand ça se pose au creux d'une oreille, ça reste là, allez savoir pourquoi. Ça n'est souvent qu'une rengaine, mais ça se promène sur les joies, les peines. Allez savoir, allez donc savoir pourquoi. Une chanson, c'est peu de choses, et c'est vrai que cette question, nous nous la posons souvent, en tout cas nous la posons déjà depuis très longtemps, parce que cette chanson là bien sûr elle est pas d'aujourd'hui, elle est pas de hier non plus, elle a déjà un peu de route, comme on dit aujourd'hui, hein, un peu de route. Donc c'est vrai que voilà, les compagnons de la chanson, là en l'occurrence, ce n'était pas eux qui la chantaient, mais voilà, elle est un peu ancienne, c'est vrai. Mais on se demande toujours, allez savoir pourquoi. Une chanson, c'est peu de choses, mais ça prend aux tripes quelque part, et surtout quand les paroles sont belles, bien évidemment. Voilà de quoi faire, voilà de quoi dire. On va se reposer un tout petit moment avec Addio Pulcinella. Adieu, Pauline.

Et voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. Mais quand c'est fini, ça recommence. Mais c'est un rendez-vous. Alors là, je vous laisse découvrir ce rendez-vous. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Elle a du doigté, hein. Eh oui, je dis elle a du doigté parce que c'est une fille, une demoiselle. Eh oui, elle a un sacré doigté pour nous faire vibrer avec ce coucou musette. Bon, où en sommes-nous? Ah oui, il nous reste encore. Oui, c'est pas fini, hein. Non, pas encore. Allez, on va continuer encore un tout petit peu parce que il faut continuer encore un petit peu. Alors, pourquoi continuer? Avec quoi continuons-nous? On va continuer avec une chanson qu'on va offrir à toutes les mamans. Vous savez, ces mamans qui un jour nous quittent parce que voilà, c'est la vie. C'est la vie qui va ainsi et puis de temps à autre, eh bien, il n'est pas interdit d'avoir une pensée pour elles parce que ce sont d'une part des mamans. Et quand ce sont des mamans, particulières, on peut leur offrir une petite chanson. C'est aujourd'hui dimanche. Tiens, ma jolie.

les amants de Vérone, les spaghettis, le minestrone et les filles de Napoli. Turin, Rome, c'est Tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies de vos automnes et de nos nuits et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourci en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos séquences sont devenues laines, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la même à l'étranger, on me l'a assez répété, j'ai les cheveux couleur corbeau. Mon nom à moi c'est Barzotti et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Eh oui, ça rappelle de bons souvenirs. Eh bien, savez-vous que cette chanson « Le Rital » par Claude Barzotti date de 1983, à la naissance de la radio, dites-moi. Aïe, aïe, aïe, ça nous rajeunit pas tout à fait. Mais à part ça, la vie est belle. Ça, je peux vous le dire, parce que c'est Clo-Clo qui nous le dit. J'ai connu des jours de veine, j'ai connu des jours de peine. J'ai perdu la fille que j'aime et j'ai retrouvé l'amour. J'ai eu tellement d'aventures qui n'ont été que blessures. Puis cette deuxième fille est partie aussi et pourtant je vis toujours. La la la la la la la la la la la. La la la la la la. À part ça, la vie est belle. Je n'y comprends rien. J'ai de mauvaises nouvelles. Et pourtant, je me sens bien. À part ça, la vie est belle. Presque à 100%. Je me sens pousser des ailes. Et je m'envole en chantant. J'ai très peu de jours de fête, j'ai souvent mal à la tête, et souvent je me répète que ce monde est un peu fou. Les oiseaux mangent ma vigne, les poissons boudent de ma ligne. Et j'ai connu d'autres filles, perdu d'autres filles, ça ne me change pas beaucoup. La la la la la la la. Je n'y comprends rien. J'ai de mauvaises nouvelles. Et pourtant je me sens bien. Mais à part ça la vie est belle. Presque à 100%. Je me sens pousser les ailes. Et je m'envole en chantant. Quand je me sens bien, mais à part ça, la vie est belle.

Ah, ces souvenirs, souvenirs. Souvenirs, quand tu nous tiens, les souvenirs, l'amour ne meurt jamais. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas

Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh no, no, no, no, no. Oh no, no, no, no, no. Oh no, no. Ah oui, cette chanson, souvenez-vous, nous l'avons interprétée avec l'ami Sergio Della Longa, alors que l'ami Sandro nous accompagnait à la mandoline lors d'une émission que nous avons réalisée avec Luc Sandro et bien sûr son alcoolite Sergio Della Longa. Des souvenirs là aussi. Allez. On continue dans ces vieilles chansons. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderà, fino a quando, quando, quando, d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo. Non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. E baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirla perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Quando, quando, quando, e baciando mi dirà, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai. Cerrò

sera solo in vena e ti racconto tutto. La tua migliore amica, chi l'avrebbe detto? In fondo agli occhi suoi brillava un'espressione strana di chi non si accontenta più di una persona sola. In quel giardino proibito cadeva il vestito, si alzava la nostra incoscienza. Non dirmi che adesso quel fatto d'amore incrina la mia trasparenza. Io con lei non vado più, io con lei non vado più. Nella mente, negli occhi, nel cuore ci sei tu, inquilino amore. Ci sei tu, adesso sono tu. Scusa tanto se la vita è così, non l'ho inventata. Se la voglia ti guarda negli occhi e ti prende per mano, succede che poi non ti accorgi nemmeno di essere andato un po' troppo lontano. Scusa tanto se la vita è così, non l'ho inventata. Permessa mai di fare il nome tuo, e pensa un po', per questo quando mi ha abbracciato non le ho detto no. In quel giardino proibito cadeva il vestito, si alzava la nostra incoscienza, ma quell'emozione durata un minuto di te non potrei fare senza. Io con lei non vado più, io con lei non vado più. Nella mente, negli occhi, nel cuore ci sei tu, infinito amore. Ci sei tu, adesso solo tu. Scusa tanto è così, non lo inventerai io. Se la voglia ti guarda negli occhi, ti prende per mano, succede che poi non ti accorgi nemmeno di essere andato un po' troppo lontano. Scusa tanto se la vita è possibile. senza te. Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà, un anno non è un secolo. Stare senza te. Quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme. Tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dire. Cette chanson-là, je l'envoie directement rue de la Fulie à Marcel et à Vanda. Je vous aime, les amis. Cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai. Separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami. Ah, c'est fini, ça se termine bien sûr. On se retrouve très très bientôt sur le 91 et sur le 102.5. Je vous aime, je vous embrasse. Et vous les femmes, je vous embrasse. Partout, partout, partout, partout. Insieme a me, io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te?